pendant la belle saison, il arrive parfois des avaries, comme l'infiltration d'eau ou autre. Pour tous travaux de construction ou rénovation après sinistre, faites confiance à ProNet, communément appelé GUS, de vrais spécialistes dans le domaine. Plusieurs véhicules d'urgence, 24 heures sur 24, nettoyage d'échangeurs d'air et aussi de conduites de ventilation. Pour nous rejoindre, 418-679-4178. Monsieur Régent Côté souhaite la meilleure des chances aux équipes qui participent à la Coupe du Québec de vélo de montagne à Saint-Félicien en fin de semaine et vous invite à voter en très grand nombre pour la candidature de Saint-Félicien dans le cadre du projet Craft Hockeyville. C'est le commentaire hebdomadaire de notre ami Phil Desgagnés. Un peu tard, le podcast, puisqu'on attendait le résultat du Canadien. Le Canadien vient de l'emporter 2-0 dans cette série 3-5 et il emporte 3-1 la série. Salut Phil! Salut Danny! Phil, d'abord, il faut rendre crédit quand même aux Canadiens dans cette série-là et Carey Price. Enfin, on va pouvoir dire qu'il a gagné une série. On pouvait pas le dire avant, mais il a fait la différence d'au moins deux matchs. Ah, il a fait de la différence, ça, il n'y a aucun doute. Moi, je pense que c'est la défensive du Canadien en général qui a fait la différence. Vraiment, là, maintenir des Malkin, Crosby et les autres du côté de Pittsburgh, je pense qu'il fallait le faire. Le Canadien a bien joué ses cartes, ont réussi à bien jouer défensivement. Chariot et Weber à la défense m'ont impressionné les deux, ont joué d'excellent. Petrie a été tout à fait extraordinaire, deux buts gagnants, puis c'est un gars qui était toujours dangereux en attaque. Donc non, le Canadien méritait vraiment cette série-là. Et quand on parle de série 3-5, c'est toujours dangereux. Exemple, Edmonton risque d'être éliminé. C'est quand même une équipe intéressante. Toronto risque d'être éliminé avec Tavares et toute l'équipe. Et là, Crosby est éliminé. On pourrait se retrouver avec 3 et 4 des meilleurs joueurs de toute la Ligue nationale, pas en série de fin de saison, éliminés. Donc, c'est un peu pourquoi il y a certains joueurs qui disent que l'équilibre et la parité dans les nationales est tellement là qu'au lieu d'être 16 clubs, on devrait peut-être être la formule qu'on a actuellement, 24 clubs en série de fin de saison, pour permettre aux joueurs peut-être de jouer un peu plus loin, puis permettre au public également. Donc, moi, personnellement, je suis surpris que le Canadien ait gagné. J'aurais pas misé là-dessus. Et ceux qui doutent toujours de dire « Ah, ben là, la fameuse loterie Alexis Lafrenière », un joueur de hockey, ça demeure un joueur de hockey. Et le gars, tout ce qu'il pense, c'est de gagner. Et il n'y a pas d'autre chose que ça. J'étais un peu déçu, mais écoute, ça ne veut pas dire qu'on l'aurait repêché non plus. Il y en avait que 12. Non. Puis il y a d'autres facteurs également. Ouais. C'est que les joueurs, ils s'en balancent, eux autres. C'est pas ça qui est important. Pour eux autres, là, c'est, ils jouent pour gagner. Et moi, j'aime ça, l'attitude des joueurs. Ils sont là pour ça, là. Donc, c'est sûr que Lafrenière peut se retrouver avec McDavid, puis il peut se retrouver avec Crosby. Il pourrait se retrouver avec Tavares et ces gars-là. Mais ça demeure que, quand tu regardes la situation, les joueurs de hockey, comme les joueurs de football, les joueurs de baseball, ils sont là pour gagner. Ils sont là également pour leurs statistiques personnelles, puis d'avancer pour que le club gagne. Donc, on se préoccupe pas de dire le repêchage, qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui... Donc, moi, personnellement, je pense que le Canadien de Montréal méritait cette série-là. Moi, honnêtement, Malkin, je ne l'ai pas vu. Crosby, il a bien fait son possible. Il n'était pas bien entouré non plus pour marquer des buts. Sans dénigrer les Penguins de Pittsburgh, sans dénigrer le travail du Canadien, est-ce que les Penguins ont joué une grande série? Matt Murray a été faible dans deux matchs. Normalement, quand tu mènes 3-1 en série éliminatoire, tu es supposé gagner. Ça, tu sais, veut dire, on peut toujours... Moi, je suis plus porté à dire « donnons le crédit aux Canadiens ». Que dire que Matt Murray était faible, que Crosby n'a pas été à la hauteur. Le Canadien a joué son style de jeu à lui, avec les éléments qu'il a. Là-dessus, donnons un coup de chapeau à Claude Julien. Il s'est ajusté à partir de la deuxième période dans le troisième match. À partir de là, il a changé ses trios. Il a utilisé la façon différente de son banc. En troisième période, pas ce match-ci, mais l'autre match, on a vu qu'il jouait presque à trois trios, à deux duos de défenseurs. Pourquoi? Parce qu'il voulait absolument gagner ce match-là. Puis il a coupé son banc. Pis c'est correct, c'est comme ça. On est en série de fin de saison où on veut avancer. C'est un peu ce que... Et moi, je me rappelle très bien, avant que la série débute, Price avait dit, on est prêt, on veut aller le plus loin possible, on veut démontrer qu'on prend ça au sérieux. Puis je pense qu'ils l'ont réalisé. Les joueurs ont pris ça au sérieux. Ils étaient prêts pour cette série-là. Et je voyais l'atmosphère sur le banc à la fin de la rencontre. On sentait que les joueurs étaient heureux et contents, malgré que, il faut l'admettre, là, ce ne sera pas facile. Là, on est confiné encore au moins pour 2 à 3 semaines, pas de famille, toujours dans des hôtels. On est en catimini, on sort pas, on va pas voir personne. Donc, c'est un peu plus compliqué pour les joueurs, mais pour eux, l'important, c'est la victoire, puis le Canadien l'a remporté cette victoire-là. OK. Donc, ça devrait être les Flyers de Philadelphie dans la prochaine série, normalement. Ça pourrait être ça, le Canadien avec Price, qui est actuellement la façon que sa défensive joue bien. Ouais. Moi, j'ai bien aimé également les jeunes du Canadien. Quand oui, on regarde un peu, Suzuki, oui. Suzuki puis Takanemi ont joué du très, très, très bon hockey. Ouais. En défense également, moi, j'ai bien aimé Ouellet, qui, à un certain match, a eu de la difficulté, mais s'est repris aujourd'hui, là, avec son duo de défenseurs. Ils ont été là pendant les 60 minutes. Ils ont très, très bien joué. Ils n'ont jamais été dans le trouble. D'ailleurs, le Canadien, oui, ils ont eu 2 poteaux, les Penguins de Pittsburgh. Mm. Je suis d'accord. Mais il n'y a pas eu d'occasion majeure sans arrêt. En avantage numérique, le Canadien a contrôlé les Penguins. Donc, belle victoire. Chapeau à l'équipe. Maintenant, on va attendre la prochaine série. Puis, je suis content pour une chose également. Moi, je suis convaincu qu'à TVA Sports, on doit lancer un soupir de soulagement pour une série canadienne avec tout ce que ça regarde au niveau publicité et tout. Les dernières années, ils n'ont pas été chanceux. Non. Les Canadiens n'étaient jamais là en série de fin de saison. Les codes d'écoute n'étaient pas là. La publicité n'était pas là. Là, les codes d'écoute vont être là. En plus, on n'a pas grand-chose ailleurs. Et en plus, la publicité va être là, j'en suis convaincu, du côté de TVA Sports. As-tu remarqué, Phil, que ça a été très difficile? Tu parles de TVA Sports, la COVID a été très difficile. Ils n'ont pas recommencé le bulletin de sport. Donc, ça, c'est des coupures. Ça, c'est carrément des coupures. Ah, mais ouais. Je pense qu'ils n'ont pas de choix non plus. Non, là. Ils perdaient des millions et des millions avant. Imaginez-vous, quand tu es confiné pendant 3 mois, c'est encore plus flagrant. Ouais. Donc, ils vont trouver les moyens d'essayer de récupérer. Mais effectivement, tu as raison. Écoute, ils n'ont pas le choix de dire on fait des coupures à des endroits pour réussir à rentabiliser au maximum qu'est-ce qu'ils peuvent faire, mais c'est extrêmement difficile de ce côté-là. L'hockey est quand même bon pareil, Phil, hein, dans l'ensemble. Très intense. Ouais, je vais te dire que moi, je suis emballé et surpris de voir l'intensité au jeu. Le synchronisme n'est peut-être pas à son meilleur, mais l'intensité est là. Je pense que c'est ça qu'on aime en série de fin de saison, c'est de voir les joueurs intenses. Le Canadien le fait, l'a démontré. La majorité des équipes le montrent également. La preuve de ça, c'est regarde le côté physique, là. Mm. C'est très physique, puis tout le monde veut gagner, puis avancer rapidement. Donc, écoute, je regardais aujourd'hui Phoenix, pas Phoenix, mais les finalistes de l'an passé viennent d'être éliminés. On l'avait dit. L'Arizona vient des éliminés, là. Donc, c'est quand même des bonnes équipes qui sont parties, là, quand on regarde la situation. Mais Phil, on l'avait dit que ce serait des séries bizarres aussi. On fallait s'en attendre un peu, là. C'est après 4 mois que. Hein? Les joueurs. Il n'y a aucun doute que dans des situations comme ça, les équipes qui ont un système de jeu très hermétique sont nettement avantagées sur des équipes qui offrent ce qu'on appelle un jeu plus spectaculaire, un jeu plus ouvert, basé sur l'attaque. Là, c'est plus concentré au niveau de la défensive. C'est plus facile de jouer ce genre de partie-là que de jouer une attaque quand le synchronisme n'est pas à son maximum. Edmonton, est-ce que ça va être la catastrophe encore? Cette équipe-là, ne fout à rien. Hey, tu vois-tu la fringale se ramasser Edmonton? mais tu regardes ça, tu dis Edmonton pourrait être éliminé. Ouais. Nashville est éliminé. Ouais. Je regarde Pittsburgh vient d'être éliminé. Ouais. Toronto pourrait être éliminé avec ses 4 formations qui, en principe, pouvait aspirer aux grands honneurs, là. Quand tu regardes ça, là. Ouais, hein? Ouais. Ces 4 équipes-là pourraient être éliminées ce soir. Donc, tu regardes ça, puis tu dis, c'est qui, maintenant, qui pourrait aller jusqu'au bout pour gagner? Tu sais, je veux dire, la Caroline va très, très bien. Belle je équipe. Regarde également Calgary, qui joue du bon hockey ces temps-ci. Donc, moi, personnellement, j'aime bien les Flyers de Philadelphie, la manière. Alain Vigneault est un très bon coach. L'équipe joue bien, une équipe qui est bien nantie en attaque, ils sont physiques, ils sont gros. C'est une des équipes qu'il faudra considérer bientôt pour dire qui pourrait être des sérieux aspirants à la Coupe Stanley. On pourrait avoir un champion inattendu cette année, ça, il n'y a aucun doute. C'est sûr qu'on va en avoir un, parce qu'on l'avait dit que ce serait des séries bizarres, parce que ça fait 4 mois, le synchronisme n'est pas là, les blessés, il y en a de moins en moins, tu sais, ils ont eu le temps de revenir aussi. Je veux te parler de Jonathan Drouin. Est-ce qu'on a été trop sévère? Le troisième match, il a bien joué encore après-midi, il y a eu quelque chance de marquer aussi. Mais on s'attend plus. Ouais. On s'attend plus de Drouin. Ouais. On s'attend plus de... Oui, écoute, moi personnellement, je me dis que c'est un joueur qui était un choix de première ronde dans les deux premiers avec McKinnon. Tu sais, quand tu regardes ça, tu dis, non, on s'attend à plus de Jonathan Drouin. Mais il faut admettre que plus les séries avançaient contre Pittsburgh, il jouait du meilleur hockey. Maintenant, est-ce qu'il pourra encore progresser puis d'élever son jeu un peu d'un cran? C'est un gars qui a des bons coups de patin, des feintes incroyables, deuxièmement, une vision du jeu tout à fait exceptionnelle, mais on s'attend toujours à plus. Et c'est un peu chaud. Moi, je pense qu'on reproche le plus à Drouin, moi, je trouve, c'est son intensité au jeu. Il n'est pas toujours prêt à payer le prix. Mais ça a toujours été ça, quand Jonathan Drouin... Ouais, ça a toujours été ça. Même Junior était comme ça. Ouais. Tu sais, je veux dire, c'est pas... Moi, je l'ai vu au championnat du monde de hockey junior en Suède. J'étais sur place avec l'équipe canadienne. Et ça a été la grande déception de l'équipe canadienne cette fois-là. Drouin était notre joueur vedette, malheureusement. Il ne s'est pas présenté. Donc, quand on regarde un peu la situation chez le Canadien de Montréal, n'oubliez pas que le Canadien, quand on fait cette transaction-là, l'ont signé pour un long terme. Ils ont signé le meilleur défenseur pendant 5 ans. Puis ils ont signé Sergachev aussi, qui serait certainement... Oui, on a donné un très bon joueur de hockey. Mais même Sergachev, là, on s'attendait à plus du côté de Tampa Bay pour qu'il progresse. Lui aussi, il tarde à démontrer qu'il est un défenseur numéro un dans l'Ignatia. Mais un défenseur, c'est toujours plus long, Phil, à développer. Oui, ça, là-dessus, t'as raison. Mais le Canadien aussi, Drouin, là, faut admettre qu'il n'est pas super entouré non plus. À Tampa Bay, il était entouré de joueurs vedettes. Et il ne l'est pas à Montréal. Là. C'est lui qui doit être le joueur vedette. Est-ce qu'il est capable de prendre cette responsabilité-là et de la mettre sur les épaules? Ça, ben, l'avenir nous le dira si oui ou non, il est capable de le faire. Merci, Phil. On s'en parle vendredi prochain. C'est le commentaire de Phil Desgagnés.